Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bienvenue à Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Et pour ce 52e épisode, nous allons interroger la notion de jeu sous une forme qu'on n'a pas encore pu voir, qui est les jeux idiots. Mais les jeux idiots qui ne sont pas si bêtes. Donc je vais laisser à Adrien, qui anime ce podcast avec moi aujourd'hui, présenter notre invité. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Et ouais, bienvenue dans Ludologie. On va encore parler de jeux vidéo, de jeux de rôle peut-être, et de jeux de société. Et aujourd'hui, pour questionner un peu cette interrogation entre est-ce que les jeux idiots peuvent être un peu intelligents ou inversement, on a décidé d'inviter Maria Kalash, journaliste au magazine Canard PC, qui anime entre autres la page Cabinet de Curiosité, qui effectivement a aussi été jury, je crois, au Stunfest 2016, jury indé. Et bah, peut-être pour... J'étais jury au Festival européen du film de Strasbourg, au jury des films, des jeux vidéo, indé. Mais au Stunfest, non, je crois pas. Ah non, t'avais participé à une conf, c'est ça. Oui. T'avais participé à une conf, c'est ça. Oui. Deux confs, même. Voilà. Et bah voilà, ma mémoire me joue des tours. Et bah peut-être première question, parce que c'est vrai que jeu idiot mais pas bête, c'est un peu compliqué de définir ce que c'est. Peut-être pour toi, quelle est ta définition déjà peut-être d'un jeu peut-être intelligent ou d'un bon jeu, pour après voir peut-être les mauvais. Alors là, je suis. C'est pas forcément ma grille de lecture sur. Enfin voilà, c'est pas forcément la question que je me pose en premier si un jeu est intelligent ou bête ou même s'il est bon. Enfin ouais, si à la limite s'il est bon, c'est peut-être un truc que je me demande un petit peu plus. Enfin, j'imagine que si vous m'avez convoqué aujourd'hui, c'est parce que, enfin, c'est en partie à cause du cabinet de curiosité, où l'idée c'est de chercher et de trouver des jeux qui sont bizarres, quoi, qui fonctionnent soit sur une mécanique dont on n'a pas l'habitude, soit qui vont utiliser une mécanique qu'on connaît mais dans un contexte différent. Enfin voilà, c'est plutôt. Enfin moi, ce que j'aime bien souvent, c'est ça, c'est le côté un peu twist, un peu décalé, quoi. Du coup, je saurais pas dire si c'est des jeux idiots. Enfin, c'est souvent des jeux un peu ratés, quoi. Hein. C'est souvent des jeux qui peuvent pas, enfin, qui n'ont pas pris, dont les développeurs n'ont pas pris ou n'ont pas eu le temps d'aller au bout de ce qu'ils voulaient faire. C'est parfois des jeux qui essayent un truc, qui se foirent complètement, mais qui en foirant complètement ce qu'ils voulaient faire, arrivent à faire un truc super chouette. Enfin, voilà. Ouais, je sais pas, ça répond absolument pas à cette question, mais voilà ce que j'avais à dire. Non, parce que je vois, alors oui, des jeux bizarres qui sortent de l'ordinaire, soit parce que des mécaniques de jeu classiques sont utilisées autrement. Du coup, est-ce que tu as des exemples dans ce critère-là ? Bah, alors, enfin là, j'ai un exemple dont je n'ai pas parlé dans le cabinet de curiosité, parce que c'est un développeur... qui est déjà bien trop présent. Enfin, voilà, en fait, pour cette rubrique-là, j'utilise beaucoup ce que font les développeurs pendant les game jams. Et voilà, il y a quelques stars des game jams qui reviennent très très régulièrement. Et alors, je pense à un développeur, c'est Managor. Je crois que c'est lui. C'est là que c'est le gros moment d'angoisse, est-ce que je suis pas en train d'en confondre deux ? Enfin bref, on va au pire j'aurais dit une bêtise. Donc qui a fait c'était il y a je sais pas un mois ou deux un jeu qui est un jeu de plateforme. Truc super con, enfin voilà, on a tous joué des milliers de fois à des jeux de plateforme, sauf que là c'est le joueur qui crée les plateformes en tapant du texte dans une messagerie. Donc, voilà, c'est un Donc la mécanique est hyper simple, mais il lutte et enfin ouais, puis après il rajoute plein de petits twists, enfin du genre certains signes de ponctuation qui vont créer des trucs qui bougent, enfin voilà ce genre de choses. Donc voilà, il y a tout d'un coup sur un truc tout bête qu'on connaît tous par cœur, il ajoute ce côté où c'est vous qui êtes l'éditeur de niveau. Et où ça donne des trucs complètement pétés, enfin voilà. Donc un exemple parmi d'autres. Effectivement, ouais, pour un jeu de plateforme, ça peut paraître étonnant, ouais, de où c'est les plateformes, c'est nous qui les mettons. On a parlé de, t'as évoqué la game jam, et je vais juste le redéfinir pour les nouveaux auditeurs qui connaîtraient peut-être pas le terme. Une game jam, c'est un marathon créatif où on peut créer notamment du jeu vidéo, mais pas que, il y a aussi du jeu de société qui se fait. Même des escape games parfois. En très peu de temps, en 48 heures, 72 heures ou même plus parfois, on crée un jeu. Effectivement, tu as évoqué peut-être les jeux, disons, expérimentaux. Enfin, en tout cas, moi, je les définirais peut-être comme ça. Il y a aussi d'autres jeux qu'on peut trouver idiots, mais qui sont peut-être bien faits. C'est les party games. Je pense notamment ce que peut produire Nintendo, où c'est une succession de petits jeux, parfois très idiots, très, très chaotiques, mais qui marchent bien. Et du coup, j'ai envie de demander à la critique que tu es, pour toi, c'est quoi un bon party game, justement ? C'est parce qu'il est idiot, mais bien pensé, justement ? Pour le coup, je pense que ce qui fait le charme d'un party game, c'est ce que ça suscite... dans la pièce, quoi, c'est ce que ça suscite entre les convives qui y jouent. Donc il n'y a pas forcément besoin effectivement d'être super malin, faut que ce soit d'abord faut que la prise en main soit facile, ou au contraire qu'elle soit complètement pétée mais que ce soit fait exprès. Faut que ça suscite des trucs entre les joueurs. Je sais que je suis pas la plus grosse à la rédaction, on a plusieurs très gros clients de ce genre de jeu. Je suis pas la plus facilement séduite parce que je suis très solitaire au fond. mais je me souviens qu'on avait passé un excellent moment sur Push Me Pull You. Push Me Pull You, c'est très très con comme jeu effectivement. En gros, on est par équipe de deux. Chaque équipe dirige un bonhomme. Qui est en forme de saucisse, en gros, faut imaginer. Et donc la saucisse, à chaque bout, a une tête. Et donc voilà, une équipe, c'est deux personnes qui dirigent chacun une tête de la même saucisse. Donc vous imaginez bien que si je vais vers le haut et que mon compagnon de route va vers le bas, il y a un moment où la saucisse va être trop étirée, ça va poser problème, bref. Et donc l'autre équipe en face a exactement le même dispositif. Donc chacun avec sa petite manette dirige un bout de saucisse, et l'idée c'est à chaque fois de pousser un ballon dans un but, ou au contraire de le garder d'un côté de l'écran, il me semble qu'il y a plusieurs modes de jeu. Et voilà, donc l'idée de base est complètement idiote. Les graphismes sont très légèrement malaisants, c'est-à-dire que il y a un côté un peu obscène dans ces espèces de saucisses couleur chair qui se promènent au milieu de l'écran. Et du coup le résultat sur quatre adultes pourtant extrêmement sérieux et que tout le monde se marre, et que c'est aussi drôle à regarder qu'à jouer, et que la maniabilité qui du coup est un peu compliqué, qui demande de se coordonner, ou au contraire, enfin, qui profite du manque de coordination de l'équipe d'en face. C'est là-dessus que repose tout le charme de Push Me Pull You, par exemple, qui est un party game très con et très efficace. Ouais, donc c'est ça, c'est faut que ce soit drôle à regarder et à jouer pour le party game, en fait, effectivement, parce que tout le monde ne peut pas jouer en même temps, donc il faut qu'il y ait quand même un intérêt à voir des saucisses couleur chair s'affronter, du coup. J'ai jamais joué, mais ça donne envie, effectivement. Dans les party games, c'est vrai que, dans un style très différent, un autre truc qui est assez cool, c'est les Jackbox, enfin les Party Pack, qui sont donc des collections de mini-jeux. Et effectivement, ils ont, enfin, c'est pas un truc auquel j'avais pensé avant que tu me le mentionnes, cette idée de spectateur. Mais enfin, là, dans le dernier pack, il y a dans la dernière série, donc c'est des petits jeux de société en fait, hein, ouais. Auxquels on joue sur un ordinateur en utilisant, enfin, chacun des participants, on peut être jusqu'à 8, je crois, utilise son téléphone comme contrôleur. Donc ça sert à répondre à des quiz, à faire des dessins, enfin ça dépend des jeux. Et je crois que dans la dernière édition, ils ont effectivement ajouté la possibilité, au-delà de 8 joueurs, pour les autres, pour les convives qui seraient en trop, quoi, d'influencer les parties. Alors je ne sais plus exactement quelles sont les possibilités qui sont offertes, mais c'est vrai que cette idée de permettre à des gens qui ne jouent pas de profiter aussi du truc... c'est une piste qui est exploitée par les gens qui font du party game. Alors, ah, en tout oui. cas, si, ouais. Ouais, c'est ce qu'ils présentent en fait sur leur site web en disant que ça va jusqu'à 10 000 joueurs et j'avais pas capté ce qu'ils entendaient par là en fait, parce que c'est apparemment voilà, ça peut permettre de solliciter l'assistance au-delà des joueurs, on va dire. Ouais. Je suis pas sûre que 10 000 personnes puissent intervenir sur la partie, mais parce qu'ils ont aussi, maintenant mis en place la possibilité, qui était déjà exploitée, mais de façon informelle, on va dire. Donc ils ont mis en place la possibilité pour les joueurs de s'affronter sur Twitch, parce que c'est voilà, c'est le problème du party game aussi, c'est que quand t'es tout seul chez toi, c'est plus chiant. Enfin. Donc Twitch, je rappelle juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, Twitch, c'est la plateforme de streaming où on peut donc visionner des parties et parfois interagir avec le joueur. Voilà, c'était juste un petit rappel. Vas-y, je te laisse finir. Et donc, comme sur ces jeux de société, vous jouez avec votre téléphone comme contrôleur, et en gros, voilà, le type qui accueille la partie lance le logiciel sur son ordinateur, il dit « je veux jouer à tel jeu », et il y a un petit... chaque partie est comme un salon. Donc, il y a un petit code. Donc, si vous êtes à Rennes et moi à Paris et qu'on joue sur la même partie, voilà, je vais diffuser le truc sur Twitch et vous allez rentrer votre petit code sur votre téléphone et boum, vous serez dans ma partie, quoi. Enfin, ouais. Donc on peut pas être à 10 000 en même temps dans une partie, enfin je ne crois pas, peut-être. Mais marketing, ça. Ouais, ouais. Non mais pour le coup, voilà, ça me permet, moi qui suis seul et qui n'ai pas d'amis, pas de vrais amis, d'héberger ma partie sur Twitch, de la diffuser sur Twitch et d'avoir des tas d'amis à travers le monde qui vont participer et s'amuser avec moi. Non mais c'est chouette. Ça me fait penser justement à un point que j'aurais pas du tout pensé en commençant cette émission, je pensais même pas en parler aujourd'hui, c'était les jeux faussement simulateurs, je pense au Goat Simulator, on joue une chèvre, Surgeon Simulator, Goat Simulator, ouais, qui voilà une sorte de GTA avec une chèvre pour dire simplement. Surgeon Simulator, c'est une fausse simulation de chirurgien. Justement, c'est ce qui fait le jeu débile, peut-être, et un bon jeu débile, je sais pas si on. Ouais, bref. C'est peut-être justement sa partie publique, dans le sens où ça se montre aux copains, c'est ça ? Ouais. Bah, pour le coup, nous, c'est des jeux. Enfin, Goat Simulator, typiquement, c'est des jeux dont on va avoir tendance à la rédaction à parler de manière peut-être un petit peu condescendante. On parle de jeux pour youtubeurs. Parce que, en gros, donc, c'est des jeux qui sont pétés, en effet. Enfin, il y a souvent pas énormément de trucs à faire. Et une grosse part de l'amusement, on va dire, repose sur le fait que c'est très difficile à manier et donc que c'est très rigolo à regarder. Mais voilà, au-delà de ça, l'intérêt est assez limité. Du coup, c'est des jeux dont quasiment toute la portée ludique est accessible à quelqu'un qui regarderait son youtubeur préféré voilà, y jouer et se débattre avec sa chèvre ou sa tranche de pain ou enfin des trucs comme ça, voilà, enfin des trucs qui sont idiots. Donc voilà, je crois que j'ai raté la fin de ma phrase, mais bon, enfin vous voyez l'idée, quoi. C'est des trucs non, qui mais... sont le jeu I Am Bread vaut le coup à essayer de d'aller jusqu'au grippin. C'est pas non, facile. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, c'est vrai que I Am Bread était. Enfin voilà. Au départ, on avait très peur que ce soit un jeu pour YouTubeurs et en fait, il était rigolo jusqu'au bout. Mais enfin le truc c'est qu'il y a eu il y a vraiment une vague sur Steam, enfin on envoyait tomber toutes les semaines des trucs qui étaient manifestement juste faits pour être streamé quoi, enfin pour être enfin streamé ou ouais, qui repose sur des maniabilités dégueulasses, enfin voilà. Ben moi je pense aussi à un autre type de jeu là quand on dit les jeux cons, c'est là plutôt les jeux cons mais dans le terme, l'appellation méchante, les jeux vulgaires, les jeux vraiment de mauvais coup, on en parlait juste avant avec Adrien, on parlait de Head to Head par exemple, où il s'agit de faire un massacre de masse, voilà, c'est aussi une autre forme si on prend juste l'appellation jeu con. Toi ton point de vue sur ces jeux là par exemple, J'ai pas forcément. Enfin, c'est pas forcément des jeux que je pratique beaucoup, ni que je connais très bien. Enfin, pour le coup, pour Hatred, j'avais l'impression que c'était. Il y avait une espèce de facteur choc, quoi. Enfin, l'idée, c'était aussi que ça permet d'en parler, quoi. Quand tu repousses les limites de ce qui se fait, ça suscite forcément l'attention, et donc ça te fait du marketing à pas cher, quoi. Enfin, Le bad buzz. Ouais. Voilà. Après, je sais même plus. Enfin, je me souviens que voilà, la rédaction avait un peu parlé. On s'est demandé à comment on le traite. Enfin, en fin de compte, c'était pas un jeu très intéressant, quoi. Enfin, dans mes souvenirs, hein. Peut-être y aura-t-il des gens pour démentir. Ouais, non, de ce que j'ai lu, il était pas très bon, effectivement. J'ai pas testé, donc. Mais ça pose une autre question et c'est intéressant de t'avoir. C'est quand on est un journaliste professionnel, effectivement, qui devons mettre en avant ou pas certains jeux, comment on opère le tri entre des jeux cons, des jeux bêtes et méchants, des jeux cons mais intéressants, comment se fait le tri, justement? Bah, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse toute faite, établie. Enfin, il n'y a pas de règle mathématique qui permet de prendre des décisions facilement. C'est un taquet qui bouge beaucoup. C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on va parler de ce jeu-ci qui, par exemple, est complètement idiot, pas très intéressant, mais... Alors voilà, il n'y a pas forcément grand chose à en dire, mais bon, quand même, il est cool. Ou tel autre jeu qui essaye plein de trucs, qui vont être au contraire très, voilà, très réfléchis, très intéressants, mais qui se plantent. Est-ce qu'il vaut mieux parler d'un. Enfin, je sais pas moi, est-ce qu'il vaut mieux descendre un jeu indé sur une page parce qu'il est foiré? Ou est-ce qu'il vaut mieux consacrer cette page à parler d'un jeu triple A moyen? Enfin, bref. Comme les jeux en balance sont différents à chaque fois, c'est une question qui se pose à chaque fois. Et il y a des tas de facteurs qui n'ont rien à voir avec les qualités des jeux, ni avec leurs ambitions, qui entrent en ligne de compte, qui sont à quel moment on l'a, à quel moment on doit avoir rendu tous les textes, combien de temps il faut pour le retourner un peu, et avoir eu le temps de voir ce qu'il avait à donner. Voilà, enfin, c'est pas... Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre de manière très... En fait, souvent, nous, à la rédaction, le parti qu'on prend, c'est d'écrire sur les jeux sur lesquels on a envie d'écrire. Alors, parfois, bah, y a des jeux qui sont pas terribles, mais qui essayent un truc. Alors, je préfère parler d'un jeu indé, quitte à ce qu'il soit un peu raté et à ce que je le dise, que de pas en parler du tout, quoi. Et je préfère parce que même si c'est du point de vue des développeurs, c'est forcément pas très agréable de lire des trucs désagréables sur leur jeu. En même temps, quand on le fait, on le fait sérieusement, donc on essaye en tout cas. Donc voilà, je trouve, ouais, quand je fais des trucs, j'aime bien savoir que ça sert à quelqu'un, que quelqu'un s'est intéressé dessus, enfin s'il est intéressé, voilà. Donc moi j'aime bien qu'on parle des trucs aussi, ceux qui sont ratés. Après c'est vrai que bon, c'est pas forcément c'est pas forcément la ligne de tout le monde à la rédac. Enfin, on n'est pas forcément tous d'accord sur là-dessus. Oui, et je pense qu'il doit y avoir aussi, selon ce qui sort à un moment. Tu disais tout à l'heure que dans les jeux simulateurs là, un peu débiles, il y a eu un moment où sur stream, il y en avait qui sortaient tous les jours. Si vous avez trois jeux très similaires qui sortent, même s'ils sont chouettes, ça doit être difficile de pouvoir parler dessus, parce que ça va être redondant pour le lecteur. Ça doit être des critères aussi. Oui, il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Alors après, ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire que à la rédaction Netsabet fait beaucoup ça, quand il y a plusieurs jeux qui ont une, on va dire, je sais pas moi, une thématique ou une mécanique qui sont similaires, il aime bien en parler ensemble. Donc, c'est-à-dire que voilà, là par exemple, il y avait toute une série de jeux qui sortaient sur mobile essentiellement, dans lesquels l'écran de votre téléphone correspond à l'écran du téléphone en jeu, par exemple. Oui. Enfin, je dis sur mobile, il y avait aussi la même chose en fait avec comme un normal lost phone en fait. Exactement. Et donc bah voilà, il a vu ça, donc il y avait normal lost phone et puis il y en avait quelques autres. D'autres aussi où c'était pour le coup l'écran d'un ordinateur, mais bon, donc voilà, il y avait, je sais pas, 4-5 jeux qui utilisaient cette même mécanique, ce même dispositif. Et donc, bah, et du coup, il a parlé des 4 ensemble. Et peut-être que, voilà, si les jeux étaient sortis séparément à un an d'intervalle, voilà, il aurait parlé de Normal Lost Phone et il aurait peut-être pas parlé des autres, quoi. Il y a aussi des. Parfois, au contraire, l'effet boule de neige. Qui permet de mettre en lumière un petit phénomène comme ça. Mais effectivement, oui, quand c'est le 12e jeu, par exemple, de survie, avec du craft et des zombies, ouais, c'est sûr qu'en ce moment, on a plus de mal à se motiver sur ce genre de jeu qu'il y a 3 ou 4 ans. Quoi. Je pense à cette question de calendrier, parce que je me souviens très bien d'un article, et que tu avais écrit d'ailleurs, c'était sur Call of Duty. Tu l'avais testé, qui est un jeu que beaucoup considèrent un peu comme con, à tort ou à raison, on pourra en discuter justement, ça peut être l'occasion. Et toi, tu avais testé dans un contexte assez particulier qui était celui, c'était je crois au lendemain des attentats du Bataclan, il me semble. Comment on traite un jeu un peu con-con, un peu, enfin, en tout cas guerrier, c'est le moins qu'on puisse dire, dans un contexte comme celui-là? Bah, c'était assez compliqué. C'est vrai que, en fait, donc, voilà, moi je suis pas du tout une spécialiste du FPS, hein, enfin des jeux de tir en vue subjective, c'est pas le genre de jeu que je préfère, c'est pas ce qui m'amuse le plus. Et donc, bah, à la conf de rédac, quand on s'était demandé, bon, qui va tester Call of Duty, donc voilà, on était début novembre, voilà, ça va être mon FPS de l'année. Et c'était on me l'avait confié aussi parce que on savait que les enjeux n'étaient pas colossaux, c'est-à-dire que on n'avait pas besoin d'avoir un ultra spécialiste pour en parler effectivement, parce que il y a un petit côté c'est le triple A, c'est limite une caricature de jeu de tir, quoi, enfin bref. Et donc j'y allais un peu au départ en me disant bah ça va être rigolo, quoi, je vais bien me moquer, et puis donc je crois que c'était, enfin j'avais vu le jeu la veille des attentats et donc quand je retourne au bureau le lundi matin devant mon Call of Duty, d'un coup ça devenait vraiment pas facile, quoi, enfin. Parce que autant pam pam boum boum, quand c'est complètement abstrait, c'est rigolo et on peut s'en moquer, autant quand d'un coup c'est, enfin voilà, c'est à quelques centaines de mètres de chez toi, qui a eu les mêmes pam pam boum boum, quoi, ça avait une autre signification, enfin une autre résonance en tout cas. Donc je sais plus trop ce que j'ai raconté. Je me souviens que j'avais que j'avais introduit en expliquant que c'était pas facile. Et voilà, enfin je sais que Yvan aussi avait fait une chronique un peu sur sur ce sujet-là, enfin c'est toujours le, enfin voilà, je fais pas partie des gens qui pensent que les jeux vidéo rendent violents, voilà, je ne crois pas à ce genre de thèse. En revanche, En revanche, ouais, il y a des, enfin voilà, c'est pas des représentations auxquelles j'avais vraiment envie de me confronter à ce moment-là. Ouais. Et mais alors bon, au-delà de l'aspect bah, tragique que sont les attentats, ça pose la question effectivement de jeux comme ça qui sont du pur divertissement. Quelle serait la juste dose, pas d'intelligence, mais enfin. Le juste milieu plutôt entre effectivement le divertissement pur pam pam boum boum d'un Call of Duty et quelque chose d'un petit peu plus fin. Alors, beaucoup de gens parlent de Spec Ops The Line dans le jeu vidéo par exemple, qui avait un fond pas anti-militariste mais presque, et mais alors que bah, on passe quand même toute sa partie à trucider plein de gens quoi. En fait je pense que la question elle est aussi du discours, enfin voilà, parce que même si des tas de gens vous diront que ah ben non, ils jouent aux jeux vidéo pour s'amuser et puis c'est tout, il y a, enfin voilà, c'est quand même très difficile d'écrire une histoire, donner aux joueurs des pouvoirs en jeu sans qu'il y ait une forme de discours derrière quoi. Et donc bah, quand le discours en question est extrêmement premier degré, qu'en plus on utilise un peu toutes les ficelles narratives les plus usées, voilà, on n'est effectivement pas très très fin ni très ça donne pas énormément de recul, de matière à penser quoi. Après pour le, enfin voilà, moi comme je vous l'ai dit avant, les FPS c'est vraiment pas une partie que je maîtrise, donc j'imagine qu'il y en a des plus fins, qu'il y en a des plus malins, qu'il y en a qui ont autre chose à dire que juste bah, les États-Unis vont sauver la planète. Mais bon, c'est pas des jeux que je connais. Je comprends, c'est moi à part GoldenEye sur 64, j'ai pas rejoué à un FPS depuis très très longtemps. Moi, j'avais une autre question. Je pensais à la sélection Canard PC de Make Something Horrible. Voilà, avec mon magnifique accent. Est-ce que... Alors, c'est une sélection qui est faite alors une fois par an, en fin d'année, où vous sélectionnez, donc je crois que c'était une sorte de top 10 avec des prix attribués à des jeux pour... c'était le pire du jeu de ce que je percevais. Est-ce que c'est bien ça? Alors, en fait, le Make Something Horrible, je le dis pas beaucoup mieux, hein, le Make Something Horrible, c'est une espèce de game jam. Enfin, donc de concours de création de jeux vidéo. Donc c'est, enfin voilà, la rédaction s'est dit ah ce serait marrant que des gens fassent des jeux moches quoi, des jeux nuls, des jeux cassés, des jeux terribles. Ouais. Et donc alors je sais plus exactement quelle est la genèse du truc au départ, mais bon la dernière édition simplement c'était un jour on s'est dit, ah vas-y qu'est-ce qu'on va mettre dans l'édito, ah bah je sais pas, mais tiens là c'est la saison Halloween, tout ça, les monstres, les trucs dégueulasses. Si on relançait le Make Something Horrible, donc ce concours de création de jeux pourris. Donc on a demandé aux gens qui, enfin à nos lecteurs, quoi. On a lancé une petite un petit appel à participation en disant aux gens faites un jeu horrible. C'est tout. Enfin, alors il y avait une petite consigne, comme c'est souvent le cas dans les game jams. La consigne était d'utiliser. Alors, enfin, vous savez que le Centre national du cinéma a un fonds d'aide aux jeux vidéo, donc il distribue des aides sous différentes formes à des jeux qui sont en train de se créer. Et donc, il faut si vous êtes un développeur et que vous voulez prétendre à cette aide. Vous remplissez un petit dossier et en fait quelques semaines avant ça on était tombé enfin voilà pour pour l'écriture d'un article, on était tombé sur ce dossier et on avait dit, ah, c'est quand même rigolo la manière dont les catégories sont organisées, parce qu'en gros il doit y avoir d'un côté le genre et de l'autre je sais plus, enfin du coup ça donnait, enfin en gros on pouvait par exemple proposer un puzzle game narratif, un jeu sportif, de réflexion, enfin bref des trucs comme ça qui étaient idiots. Donc en gros on s'est dit, voilà, ce serait marrant de voir ce que les combinaisons les plus cassées donnent, quoi. Et donc les gens avaient un mois pour faire leur jeu et pour nous soumettre, donc sur itch.io. Qui est une autre plateforme effectivement, qui héberge beaucoup de développeurs indépendants dans le jeu. Voilà, c'est ça. En gros, il y a pas de filtre à l'entrée, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut héberger son jeu avec une interface qui est assez claire, assez facile à utiliser. Et donc, c'est pour moi, c'est l'endroit où je cherche tous mes jeux bizarres. Bref, donc les gens ont posté leurs créations sur itch.io. On avait, je sais plus, une soixantaine de jeux. On a désigné quelques membres dans l'équipe pour servir de jury plus particulièrement. Donc on a joué, on était, je sais plus, 4 ou 5 à jouer à tous les jeux. Et moi j'avais fait mon petit tableau Excel où je notais le nom du jeu, ce que c'était, et puis après je mettais une espèce d'appréciation. Et après on s'est retrouvé pour en parler. Le palmarès a été assez facile à faire. Enfin, il y avait quelques jeux très clairement qui se détachaient du lot. L'idée, là où c'est compliqué, c'est qu'on voulait des jeux horribles, mais qui soient quand même à peu près jouables, qu'on puisse à peu près s'amuser dessus. C'est forcément une balance un peu compliquée à atteindre pour les développeurs. Alors, sachant que dans le tas, il y avait pas mal de lecteurs, il y avait quelques développeurs tout à fait professionnels, des gens qui font ça sur leur loisir, des gens pour qui c'était leur tout premier jeu. Au contraire, il y avait aussi des équipes qui, au contraire, étaient très attendues parce qu'ils avaient fait, des très chouettes trucs les années précédentes. Très bien. Et donc, on a sélectionné les jeux dont on voulait parler, on leur a trouvé des. On leur a inventé des catégories pouvoir les glisser dans le palmarès. Pour ma question, c'était, est-ce qu'il y en a un là qui te vient à l'esprit où t'as eu plaisir à jouer ou qu'il était complètement what the fuck, complètement con, mais qui justement fonctionnait parce que c'était prenant Alors, il y en a plusieurs. Alors, je garde un excellent souvenir de, je crois, c'était Simulator, je sais plus dans quel. Enfin, ouais, on l'a sous les yeux, c'était un mélange puzzle et Euro Truck Simulator. Voilà, en fait, c'était juste donc des puzzles. Enfin, voilà, comme vous faites des puzzles quand vous avez 6 ans. Mais donc, c'était des jaquettes de jeux de simulation allemands. Le tout accompagné, il me semble, par une musique qui devait être particulièrement croquignolette. Bref, voilà. Donc, celui-là, c'était très con, mais c'était très bien. Sachant qu'il y a un petit twist sur le dernier puzzle, sur le dernier niveau. C'est-à-dire qu'il manque une pièce. Voilà. Mais quel salaud. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre justement, il y avait World of Papras. Alors, World of Papras, vous êtes dans une administration lambda et vous devez, récupérer un formulaire, un truc, et puis vous vous rendez au guichet machin, on vous dit, ah ben non, il faut le formulaire truc, donc il faut identifier la salle dans laquelle... Le formulaire A38. C'est exactement ça. Et il était très très bien aussi, avec un très gros problème en revanche, qui était que c'était un jeu en vue à la première personne, et j'en ai eu la nausée, mais de façon absolument atroce. Ça me fait penser à, il y a un participant que je connais personnellement et qui est cité dans les remerciements. Alors j'essaie de mettre son pseudo, pas son vrai nom, pour pas qu'il, voilà. En tout cas il se fait appeler Rando Malo sur Twitter, et qui fait des jeux particulièrement cons et particulièrement obscènes, et il me disait qu'il s'était fait expulser du site de la Game Jam, de la Global Game Jam, parce que ses jeux étaient trop trop vulgaire. Justement, enfin, niveau trash, vous recevez vraiment des trucs trash ou pas du tout? C'est plutôt bon enfant? Alors, dans le Horrible Bundle, c'est plutôt bon enfant. Enfin, il y a, du caca, un peu. Mais c'est marrant parce que les jeux vidéo ont quand même, enfin, il y a des sujets que les jeux vidéo ont du mal à aborder, et même les gens qui aiment bien être trash et faire des trucs crado, enfin voilà, on les voit rarement en jeux vidéo. Donc disons que la limite, j'ai l'impression que pour l'instant c'est le caca. C'est, voilà, il y a des jeux avec du caca, il y a pas de problème, des diarrhées, des trucs comme ça, mais ça va pas plus loin quoi. En même temps, on va parler plus loin. Hein. Non. Enfin, ouais. Pourquoi tu vois pire? Non, justement, c'est parce qu'on a le palmarès sous les yeux. On est venu avec nos petites notes, et c'est vrai que nous, on avait rigolé sur le Chômeur Simulator 2017, la Astral Clodo, où effectivement, hein, il faut trouver. Puis les screens, ça a l'air très bien dessiné, c'est beau. C'est magnifique, hein. Le dessin paint donne beaucoup de réalisme au jeu. Il était, ça faisait partie des jeux qui étaient intéressants. Alors c'est pareil, dans le discours, je suis pas non plus sûre du. Enfin, voilà, je ne sais pas quel était le propos, mais c'était, enfin, il y avait vraiment une architecture de jeu. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'était un jeu qui était construit, dans lequel il y avait vraiment des objectifs qui étaient clairs. La façon, enfin, il y avait un peu de challenge. C'était difficile parce qu'il y avait, en gros, il y a deux jauges qu'il faut garder à peu près rempli sous peine de perdre. Les interactions avec d'autres personnages, enfin voilà, il était bien trash. Il a l'air assez cracra. Mais ça, alors ouais, justement, ça pose des questions parce que là, on parle beaucoup de scènes indépendantes et de scènes, en tout cas non commerciales, en tout cas. Justement, enfin, qu'est-ce qui explique que c'est une scène non commerciale et que ce genre de jeu ne se vende pas, même pour quelques euros? Alors je ne sais pas à quel point ils ne se vendent pas. Souvent les jeux, donc on parlait de la plateforme itch.io, donc qui accueille énormément de jeux indés, très indés. Quand je dis très indés, c'est-à-dire ça peut être très bien des équipes de une ou deux personnes. Mais sur itch.io, il est possible, et beaucoup le font, de mettre ces jeux en ce qu'on appelle pay what you want, donc payer ce que vous voulez. Alors c'est une question extrêmement intéressante que je n'ai jamais posée à aucun de ces développeurs et qu'il faudrait que je leur demande. Quelle est la proportion de gens qui leur donnent quelque chose Après, la question de pourquoi c'est des jeux non commerciaux qui se permettent de faire des trucs idiots ou laids, ou bah, c'est simple, c'est que quand on se débarrasse de la nécessité de vendre son truc, on peut faire ce qu'on veut, hein. Enfin, si on n'a pas l'objectif de plaire à des gens, on est libre. Non, enfin, en fait, je pense notamment à un développeur dont là, j'ai pas le nom, mais j'ai un de ses jeux en tête qui est Cobra Club. Alors, Cobra Club, comment expliquer ça de manière élégante? C'est un jeu où il y a un réseau social et on fait des selfies de bits, hein, c'est celui-là, voilà. Ah oui, j'ai dû t'en parler, effectivement. C'est un jeu où on fait des selfies de bits, et moi je trouve ça absolument génial parce qu'à côté, en plus, il y a un vrai discours sur la surveillance, notamment américaine. Et moi je me dis, ce mec est un génie, que fait-il? Faut absolument qu'il vende ça. Et j'ai appris qu'en plus, il se faisait censurer sur Twitch, alors pas pour celui-là, pour un autre où je crois il faut. T'as peut-être plus d'infos? Kalash, je ne sais pas. Enfin, donc Robert Young, il fait effectivement des tas de jeux souvent très explicites. Je crois que c'était lui. Enfin, oui, je pense. Enfin, je vois pas qui ça pourrait être d'autre qui avait fait un jeu où comme ça, il fallait. En gros, c'était on engageait des relations un petit peu intimes avec le levier de vitesse de sa voiture. Donc, il y a. Enfin, voilà. Après Enfin, c'est toujours la même chose, c'est que quand quand vous faites un jeu, à partir du moment où il est distribué sur une plateforme ou diffusé sur une plateforme qui a sa propre ligne de conduite, bah, on s'expose au risque de censure. Enfin, c'est la même chose que les photos de tétons sur Facebook. Et, voilà, on leur donne le pouvoir de nous censurer. Et donc, quand on fait effectivement Cobra Club, on risque de ne pas être diffusé sur Twitch qui souhaite que les gens soient bien habillés. Et ben, on arrive à peu près à 43-45 minutes d'émission. On va commencer à poser les dernières questions. Effectivement, alors on a parlé de Twitch, mais en termes de censure, enfin, on a parlé des plateformes de distribution, donc effectivement, itch.io pour l'instant est le dernier, entre guillemets, bastion de la censure et du port nawak. Quelles sont les conditions pour avoir, je sais pas, un jeu sur Steam ou un jeu sur en boîte, par exemple? Je pense que c'est très différent. Je suis pas certaine que Steam fasse des masses de censure sur le contenu, hein. Contrairement à Apple, qui est extrêmement extrêmement conservateur, qui est extrêmement regardant sur le contenu des jeux. Je suis pas sûre, enfin, là comme ça en tout cas, j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête de jeu sur Steam qui ait été rayé du catalogue à cause de son contenu. En boîte, je n'ai pas eu entre les mains une boîte de jeux depuis fort longtemps. Je ne sais pas comment ça se passe du côté sur les stores des consoles, hein, je dis boîte. Ouais, alors ça, après, ça dépend de chaque éditeur. Je sais que Nintendo est très regardant. Enfin, je sais pas où ça en est maintenant, mais je crois que Edmund Macmillan, qui est le développeur de The Binding of Isaac, était complètement disposé à proposer une version console du jeu. Donc The Binding of Isaac, c'est en gros un petit garçon qui c'est un jeu un peu oedipien, qui doit tuer sa mère, mais voilà, en passant en gros il descend à travers des caves. Il y a des thèmes très religieux. J'ai vu ce jeu-là, j'avais oublié qu'il existait. Il y a du caca. Lui, il y a aussi des bébés mort-nés, enfin, oui, ce genre de choses. Il y a aussi des blasphèmes. Nintendo n'a pas du tout goûté ce genre de. C'est vrai. Oh, bah dis donc. Et en plus, il est pas du tout malaisant comme jeu, hein. On se sent très bien dans sa peau quand on regarde ne serait-ce que 5 minutes de jeu. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Moi, j'ai juste vu un test, en fait. J'étais assez surprise. Je trouvais ça très. Ça faisait un peu claustrophobique comme atmosphère qui est très lourde. Donc, je sais pas comment c'est de jouer soi-même dedans, mais à regarder déjà, je trouvais ça assez lourd d'atmosphère, en fait. Mmh. En fait, c'est marrant parce que c'est un jeu dont à mon sens les mécaniques sont vraiment extrêmement bien pensées. Enfin, il y a beaucoup de profondeur, donc c'est ce qu'on appelle un roguelike, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on meurt, on recommence depuis le début. Il y a beaucoup d'éléments qui sont aléatoires, donc il n'y a pas deux parties qui se ressemblent. Enfin, si au bout d'un moment deux parties peuvent se ressembler un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de possibilités différentes. Et c'est vrai que tout le décorum, cave, grotte, utérus, ne m'a pas atteint. Mais effectivement, il y a une ambiance un petit peu lourde, un petit peu pesante, et pour le coup, je la trouve assez maîtrisée. Surtout qu'elle est, Oui. Surtout qu'elle est accompagnée par une excellente bande musicale. Ouais. Enfin, bref. Donc pour revenir sur la question des censures, des éditeurs, enfin des stores, je sais que Apple est extrêmement regardant, le contenu politique ça passe pas du tout, la pornographie non plus, voilà, à contrario, Google laisse passer à peu près n'importe quoi pour autant que je sache, et Steam est plutôt voilà, dans cette famille là aussi. Ouais, non, je regarde, mais je pense qu'on a fait un peu le tour avec voilà, les jeux cons versus les party games, ce qui est drôle à regarder ou à jouer. Donc effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Nous, on avait pensé à un exemple, mais on n'en a pas parlé. On cherchait des jeux cons, mais pas bêtes. Et on cherchait sur d'autres types que les jeux vidéo. Et on avait notamment pensé au Burger Quiz. Donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer ou de voir l'émission. Et en fait, on s'est rendu compte que ça en faisait partie parce que c'est quand même sacrément débile, la maillot, l'équipe maillot, l'équipe ketchup, ou les différentes étapes du jeu. Mais en fait, c'est pas bête parce que ça sollicite quand même une certaine culture G et tout ça. Donc effectivement, on avait ce type d'exemple aussi en tête. Mais... En fait, on n'a pas parlé du Burger Quiz, on a parlé d'un de ses cousins, enfin en l'occurrence les Jackbox Party Pack. Ouais. C'est complètement la même famille de jeux. Alors on a davantage anglais sur le côté sur ce que ça suscite dans la pièce entre les convives, mais effectivement, si ça suscite autant de bonheur et de bêtises dans la pièce, c'est aussi parce que c'est souvent des questionnaires ou des épreuves qui encouragent pas forcément ce qu'on a de plus ce qu'on a de plus élevé en nous, oui. Plus intellectuel ou plus raffiné. Il y a notamment un des jeux qui en fait ressemble un petit peu à Cards Against Humanity, où la version française j'ai découvert la version française il y a quelques semaines, qui s'appelle Blanc Manger Coco. Ouais. Donc en gros, l'idée c'est que chacun des joueurs a en main des cartes sur lesquelles il y a des mots décrits, et un des joueurs qui est pour ce tour-là le maître du jeu, en gros, va tirer une carte dans laquelle il va y avoir un blanc à compléter. Et donc chaque joueur choisit parmi ses cartes le mot qui lui paraît compléter le mieux la phrase énoncée par le maître du jeu, et donc après le maître du jeu choisira sa réponse préférée. Mmh. Et le truc c'est que pour gagner, en général, faut réussir à sortir le truc le plus trash possible. Il y a une prime au dégueulasse, au ridicule, voire au franchement méchant quand c'est pas je pense que à peu près aucune partie de Cards Against Humanity ou Blanc Manger Coco ne serait susceptible d'être diffusée à la télévision. Oui, je pense que la moitié des propos tombent sous le coup de la loi, quoi. Oui, tout à fait. Et le point Godwin est atteint à peu près trois fois par partie. Trois fois, c'est une petite partie, hein. C'est ça, parce que je sais que Hitler est sur plusieurs cartes. Hitler décliné, donc ça peut être les cheveux d'Hitler ou non, parce que j'ai joué soit à Blanc Manger Coco, soit, alors il me semble que c'est limite ouais. qui est dans le même esprit en fait, hein. Donc effectivement, mais voilà. Parce qu'il y a aussi c'est vraiment des jeux qu'on joue dans le cadre privé, et il y a une jouissance à transgresser ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais pas forcément qu'on le pense, hein. C'est en général, on est tout à fait conscient que ce sont de grosses conneries, mais ça repose là-dessus, quoi, sur le plaisir de dire des très grosses conneries. Et du coup, je me demande, parce que du coup, tu me dis que tu as joué à la version US, par rapport à la version française, est-ce qu'il y a des grosses différences? Parce que moi, c'est le genre de jeu où j'ai déjà joué avec des amis étrangers qui parfois ne comprenaient pas du tout. L'humour derrière ou les références, parce que c'est souvent très culturel quand même. Et du coup, est-ce que toi, t'as vu, ça t'a posé problème, ou est-ce que ça a peut-être renforcé peut-être la drôlité? Ça, c'est pas du tout français. Alors, mais, la version américaine, j'y avais joué il y a très longtemps, et effectivement, j'avais l'impression d'être absolument pas drôle. Mais le truc, c'est que je pense que même si tu joues en France, avec le même set de cartes, selon que tu joues avec tes copains profs de fac ou avec tes potes du club de sport, les réponses vont être différentes, et je pense que les rires n'arriveront pas exactement sur les mêmes euh, sur les mêmes réponses, quoi. Parce que voilà, il y a beaucoup de, il y a aussi beaucoup de, comment dire, de ces référencés, quoi. Il y a beaucoup de in jokes, enfin de trucs aussi entre, voilà, entre un groupe de potes où les gens se connaissent, enfin voilà, c'est ce qui a la palme. Il y a une prime à la vanne référencée, oui, du groupe de potes. Hein. Oui, puis la surenchère est plus facile quand tu connais les gens, parce qu'effectivement, vu les types de cartes qui peuvent sortir dans Limite Limite, quand tu ne connais pas les gens autour de toi, ça faut assumer quand même le contenu de ces cartes. Donc voilà. Bon bah écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vais conclure par une dernière question, même si bon, ça se rapproche d'une question que je t'ai posée tout à l'heure, mais on finit toutes les émissions en demandant aux personnes qu'on interviewe quelle est ta dernière expérience de jeu marquante. Donc là, t'as le droit de répondre autre chose qu'un jeu bête. Voilà, tout confondu, jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de plateau. Il y en a pas mal. Je te répondrai bien Shenzhen.io, qui est donc un jeu de et là je vais écorcher son nom, Zach Bart. En fait, c'est pour le coup c'est le contraire d'un jeu idiot. C'est un jeu ultra intelligent, mais vraiment sur tous les plans. Donc ce monsieur s'est fait une spécialité de faire des jeux, voilà, comme ça qui font beaucoup appel à tes capacités cognitives supérieures. Et donc, dans Shenzhen.io, tu joues un ingénieur qui doit programmer des tas de petits machins électroniques. En général, c'est des trucs qui clignotent, des trucs qui bipent. Je crois que la toute première épreuve, tu dois programmer, je crois, une fausse caméra de sécurité. Donc, tu dois programmer les clignotements de la diode pour faire croire que la caméra fonctionne. Et donc, c'est un jeu qui te demande de faire de la petite programmation. Alors, le truc, c'est que c'est pas un vrai langage. En fait, le langage qui est utilisé pour de vrai, c'est le langage assembleur. Là, c'est pas un vrai langage assembleur, c'est un truc qu'il a adapté du vrai, mais qu'il a adapté pour que ce soit utile en jeu et que ce soit marrant. Enfin, marrant, c'est un gros. Il y a probablement des gens que ça fera pas marrer du tout, mais c'est assez marrant. Et qui. Donc, pour savoir ce que tu as à faire, tu dois, avant de commencer à jouer, imprimer un manuel en PDF, enfin tu vois, un manuel PDF de 40 pages. Alors tu as le droit de pas l'imprimer, mais c'est quand même vachement plus cool de l'avoir imprimé, parce que tu peux le manipuler un peu plus facilement. Et donc tu as toutes les instructions, mais qui sont présentées sous forme très authentique, on va dire. Ça ressemble à des fiches produits. Donc voilà, vous avez la micropuce 4772XZ, voilà, qui a telle et telle fonction, qui est capable de communiquer comme ceci et comme cela, et voilà. Et donc c'est, enfin là où c'est ultra malin, c'est que c'est des puzzles qui ont été pensés, réfléchis pour te forcer à utiliser tout ce qu'il y a dans ce petit manuel, où il ajoute les mécaniques, enfin les commandes de code que tu veux utiliser. Voilà, il les ajoute une par une, il te force à explorer le truc, et c'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est vraiment un jeu magistral, qui en plus coûte même pas cher. Qui en plus pèse 400 mégaoctets, enfin autrement dit même au fin fond d'une région où on n'aurait de l'internet qu'en 56K, ça reste presque réalisable. Enfin bref, donc, voilà, c'est un jeu que je recommande. Eh ben merci beaucoup Maria Kalash. Donc on peut te retrouver donc dans les pages de Canard PC, particulièrement dans la rubrique Cabinet de Curiosité. Nous on va se retrouver dans 15 jours. Je sais plus le thème de nos collègues de Manuel et Séléné, mais de toute façon on verra ça dans 2 semaines. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle émission de Ludologie. Merci.